بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله عز وجل نزلون pour la séance du mercredi, les deux cours de mercredi, les passer avec ces cours très importants de Cheikh, de son éminence Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne le Firdaus al-A'la, dont le titre « Ad-Durus al-Muhimma li'ammati l'Umma ». Le titre, c'est les cours importants pour le commun de la communauté. Et les hommes de science disent, s'ils sont importants pour le commun de la communauté, c'est qu'ils sont aussi importants aussi pour le demandeur de science. Il est obligatoire que le demandeur de science sache ces choses avant le commun. Parce que dans cette risala, Cheikh a la partagé en plusieurs parties en ce qui concerne les conditions de la ilaha illallah, les piliers de la ilaha illallah, ainsi que les conditions de Muhammad et le messager d'Allah, et ses piliers aussi, les conditions de la prière, les piliers de la prière, certains versets du Coran, et nous allons nous arrêter avec l'interprétation sur l'interprétation de ces versets, de ces sourates que Cheikh il a cité ici. Et Cheikh il a partagé cette risale en plusieurs paragraphes pour que ce soit facile à l'étude, et pour que ce soit facilement assimilable pour tout le monde. Et combien nous avons besoin de cet énorme travail que font les hommes de science, qui nous facilitent un petit peu les sujets de la science et qui nous la rapprochent. يقول رحمه الله وغفر له واسكنه فسيح جناته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه كلمات موجزة في بيان ما يجب أن يعرفه العامة عن دين الإسلام، سميتها الدروس المهمة لعامة الأمة، وأسأل الله أن ينفع بها المسلمين وأن يتقبلها مني إنه جواد كريم. Il dit dans l'introduction, rahimahullah ta'ala, louange à Allah, le souverain des mondes. Il a bonne fin, il est pour ceux qui préservent les droits d'Allah. Prière et salutations sur son serviteur et son messager, notre prophète Muhammad, sa famille et ses compagnons tous. Ceci dit, c'est des petites paroles c'est un résumé de paroles dans lequel que j'ai écrit pour éclairer, comme éclaircissement sur tout ce que doit savoir le commun des musulmans dans la religion de l'islam. Et je l'ai intitulé « Les cours importants pour le commun de la communauté ». Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il soit bénéfique pour les musulmans et qu'il l'accepte de moi, car il est le noble et le généreux. Ça, c'est l'introduction qu'a fait Cheikh Hafidhahullah Ta'ala. Et tu remarques avec moi que Cheikh ici, il a commencé sa risala avec les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, en suivant dans ça le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui commence avec le Fatiha, avec l'Alhamdulillah. Et aussi en prenant comme modèle ce que faisait Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, car quand il faisait ses exhortes, Il commençait avec les louanges à Allah et les glorifications d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit que ceci, ce sont des paroles très courtes et très résumées en ce qui concerne les fondements de la religion et ce qui est obligatoire aux musulmans de savoir dans ce bas monde et dans ce delà. Donc, partant de là, on comprend de ceci qu'il est obligatoire pour chaque musulman de connaître ses points de la religion et de connaître comment accomplir ses adorations, comment être bien dans ses transactions, et il doit être sur une clairvoyance dans tout ce qu'il fait. Et ces cours, frère Allah, Azzawajal, ils ont été bénéfiques à la communauté. Et les gens ont accueilli chaleureusement ces cours de son éminence. Et les hommes de science conseillent le fait de s'occuper de ces cours qui sont contenus dans cette risala. Et en plus de ça, les grands hommes de science l'expliquent dans leur assise. Ils font des assises spéciales pour expliquer cette risala. فيأتي الدرس الأول فيها يقول حفظه الله سورة الفاتحة وما أمكن من قصار السور من سورة الزلزلة إلى سورة الناس تلقيا وتصحيحا للقراءة وتحفيظا وشرحا لما يجب فهمه الذي حفظه الله تعالى الفو s'occuper de la Fatiha. Il faut s'occuper de la Fatiha et de ce que nous pouvons comme petite sourate. Et lui, son effort d'interprétation, à partir de son effort d'interprétation, il a dit qu'il faut s'occuper à partir de sourat Zilzala, le tremblement, jusqu'à la fin d'Yel Nas. Il faut l'apprendre, il faut corriger la correction, il faut le mémoriser, lire les interprétations et comprendre ce qu'il faut comprendre et mettre en application. Et frère en Allah, Azzawajal, je vous rappelle que la voie des salafs concernant le Coran, c'est de mémoriser chaque jour 10 versets quand on peut. Mais les mémoriser avec méditation et avec compréhension, et pour s'aider, il faut regarder dans les livres de l'interprétation du Coran, et le meilleur dans lequel qui est le plus facile et qui est à la portée de tout le monde, c'est l'interprétation du Coran du Cheikh Sa'di rahimahullah ta'ala. Et jamais, et ça fait partie de la voix des pieux ridwanullah alayhim, qu'il délaisse la mémorisation du Coran et la lecture du Coran avec méditation, et il le mémorise. Ils le comprennent, ils le mettent en application. Ceux qui le mémorisent, sans le comprendre, ce sont les khawarij. Ils ne dépassent pas leur langue, ils leur gorge. Et les laxistes, eux, n'apprennent rien du Coran. Ils négligent le Coran. Ils négligent les interprétations du Coran. Mais la voie du juste au milieu, la voie sur laquelle était le puiseur d'Allah alayhim, donc c'est mémoriser un peu du Coran, et si on peut, des versets par jour, et les comprendre, et les méditer, et les mettre en application, tout en s'aidant pour l'interprétation des livres d'exégète du puiseur d'Allah alim. Et le plus facile pour nous autres, c'est celui de Taysir al-Aziz Rahman du Cheikh Sa'di rahimahullah ta'ala. Donc, Cheikh, il a commencé avec Surat al-Fatiha. Et je vais vous faire un résumé de Sourate al-Fatiha. Dans cette première partie du mercredi, on prendra l'interprétation du Coran. Dans la deuxième partie, après Salat al-Isha, Inch'Allah, je prendrai les conditions, la ilaha illallah, le premier pilier de l'islam, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on fasse le tour de cette risala, dont Inch'Allah. Yaqul. فالفاتحه خيرنا الله عز وجل ولا ميموريزي توس ها ان شاء الله الفاتحه il a été appelé الفاتحه parce que c'est l'ouverture du livre et c'est pas avec الفاتحه qu'on ouvre la prière et الفاتحه il a beaucoup de noms et cela prouve son importance Il s'appelle Fatiha, l'ouverture. Il s'appelle la mère du livre, Ummul Kitab. Il s'appelle Ummul Qur'an, la mère du Coran. Il s'appelle Seb' al-Matan, les sept répétés. Les sept qu'on répète, parce qu'il est répété dans les prières. Hein? Il s'appelle le Qur'an al-Azim, le géant Qur'an. Donc tout ceci, ce sont les noms d'Al-Fatiha. Si on l'appelle la mère du livre, il faut savoir qu'Umm Shay, la mère de quelque chose dans le langage des Arabes, c'est celle qui contient la chose. Et Al-Fatiha contient tout ce qu'il y a dans le Coran. Hein? Le monothéisme, ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous, ce qu'il a promis, et ce qu'il a donné à ceux qui ont cru en ses messagers, et ce qu'il leur réserve dans le delà, et ce qu'est le châtiment qu'il a fait subir à ceux qui se sont entêtés, qui n'ont pas répondu à l'appel des messagers, et ce qui les attend dans le delà, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, tout y continue dans le Coran. Certains pieux disaient, Ridwanullah alayhim, que le Coran en entier, il est contenu dans Sourate al-Fatiha. Et le secret de Sourate al-Fatiha, il est dans le verset « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ». Toi seul, à toi seul, nous réservons le culte et auprès de toi seul, nous cherchons aide. Dans ce qui est rapporté par Tirmidhi, le hadith d'Abi Hurairah radhiyallahu anhu, il a dit que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit وإنها سبع من المتان والقرآن العظيم الذي أعطيته وهذا حديث صحيح إيه دون شي الترمذي رحمه الله الحديث أبو هريرة دي سا اون بارلون دو الفاتحه الرسول صلى الله عليه وسلم دي سي لي سات ريبيتي ها et le Coran géant qui m'a été donné ainsi le Rasoul صلى الله عليه وسلم l'a appelé parce qu'on la répète dans toutes nos prières et c'est le géant Coran d'où l'importance de s'en occuper et toutes les significations dans le Coran sont dans le Fatiha. Le monothéisme est dedans, le suivi du message alayhi salam est dedans et tout ce qui est dans le Coran se retrouve et dans le Fatiha. C'est pour ça qu'il a été appelé le géant Coran. Il s'appelle Hamd, la louange, car le début de cette sourate c'est Alhamdulillah, louange à Allah. Il s'appelle la prière aussi, parce que dans le hadith Qudsi, rapporté par l'imam muslim, le Rasoul a dit qu'Allah Azza wa Jalla dit, j'ai partagé la prière entre moi et mon serviteur en deux. Quand le serviteur dit Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala dit, mon serviteur me fait des louanges. Et ainsi de suite. Et quand le serviteur, il arrive à Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, auprès, toi seul nous adorons, et auprès de toi seul nous cherchons aide, là Allah subhanahu wa ta'ala dit à son serviteur, ça c'est entre moi et mon serviteur, et que mon serviteur demande ce qu'il veut. Il a été appelé celle qui guérit, la guérisseuse. Il a été appelé, et plus d'un de nos plus aïeuls, Ridwanullahi alayhim, se guérissait avec le Fatiha. Donc, prends le cas de Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala. Une année, il a fait son pèlerinage, ou une umra, et il avait une forte migraine. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris, de l'eau, de zamzam, il a lu le Fatiha sept fois dessus, et il l'a bu. Et il a été guéri. Bien sûr, la guérison vient min Allah, azza wa jal. Mais le Qur'an a été envoyé comme remède. Et c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, qui donne la guérison, bien sûr. Et il disait, rahimahullah, que chaque fois que quelqu'un venait se plaindre, il lui conseillait ce qu'il avait fait, et bi'idnillah, azza wa jalla, les personnes trouvaient le repos et se guérissaient. On l'appelle aussi Ruqya. Pourquoi? Parce que l'un des nobles compagnons, Ridwanullah alayhim, une fois, a fait Ruqya avec. A fait Ruqya sur quelqu'un qui a été piqué par un reptile ou par un scorpion. C'est-à-dire qui a subi la piqûre d'un animal venimeux. Abi Saïd al-Khudri, dont ce hadith, disent qu'ils étaient en voyage une fois, ils ont campé dans un endroit. Et tout d'un coup, il y a une petite fille qui est venue vers eux. Il leur a dit que le maître du quartier a été piqué par un animal venimeux. Et que les hommes de cette cité n'étaient pas là. Est-ce que la fille, la jeune fille, une jeune fille qui n'est pas pubère, leur a demandé, est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui fait ruqya? Un homme s'est levé, et le compagnon disait, on ne savait pas que celui, il faisait ruqya, ni qu'il était connu de ruqya. Et il a été, il allait sur cet homme qui a suivi la piqueur d'un animal avec son venin, il a lu tout simplement le Fatiha. Et l'homme s'est retrouvé en forme. Il s'est levé comme on détache un chameau de sa corde. Et cet homme a donné 30 chèvres, 30 moutons à celui qui a fait ruqya. Il lui a donné du lait. Ah, il a ramené le lait et le troupeau de 30 chèvres vers le campement des compagnons. Et les compagnons lui ont dit, est-ce que tu es un raqi ou est-ce que tu perfectionnes la ruqya? Il a dit non. Le mec, il a dit non. Le compagnon, il a dit non. Tout simplement, j'ai lu la mère du livre. Quand ils sont arrivés à Médine, ils ont cité à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam cette histoire qui leur est arrivée. Il a dit, qu'est-ce qu'il en sait que c'était ruqya? Partagez ce que vous avez, c'est-à-dire le mouton, les 30 moutons, et faites-moi ma part. Le hadith, il est rapporté par l'imam Bukhari, rahimahullah ta'ala. D'où les hommes de science l'appellent raqiya, ruqya. Donc si quelqu'un est malade, sur lui-même il peut lire le Fatiha. Le Fatiha est suffisante pour la ruqya, comme tu l'as vu ici dans cette histoire de cet homme qui il l'a guéri du venin, akhal islam. Mais la guérison, bien sûr, vient min Allah azza wa jal, mais il faut avoir la certitude. Hein, que le Coran est un remède pour les cœurs de leurs ambiguïtés, les guérir de leurs ambiguïtés, et pour les corps, les maladies du corps aussi. Et il est celle qui suffit, le kafia. Par exemple, si quelqu'un ne connaît que le Fatiha, n'a pu apprendre que le Fatiha, sa prière va être valable. Il prie avec le Fatiha tout simplement, sa prière va être valable. Quant à quelqu'un qui ne perfectionne pas ou qui ne lisait pas le Fatiha, même s'il connaît tout le reste du Coran, il prie avec, sa prière ne sera pas acceptée. Pourquoi? Parce qu'il lui manque ce pilier important qui est le Fatiha. Donc tu vois l'importance du Fatiha, il faut s'en occuper, il faut comprendre son sens, et le Fatiha, il contient les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, et les éloges à Allah subhanahu wa ta'ala, et les glorifications à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le Fatiha, les hommes de science disent, Allah subhanahu wa ta'ala nous a appris le comportement de la demande. C'est-à-dire, tout le début, il se fait que ce ne sont que des louanges et des glorifications à Allah et des éloges à Allah, subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Et donc ça, c'est le comportement de la demande. Et c'est aussi une façon de demander ici, quand ces glorifications dites comme ça, c'est la demande d'adoration. Et il y a la demande pure demande, qui est, une fois que tu fais les glorifications à Allah subhanahu wa ta'ala, et tu pries sur le prophète alayhi salatu wassalam, comme il l'a enseigné le prophète alayhi salatu wassalam, tu demandes à ce moment-là. Il Fatiha aussi, il contient le pacte qui est entre les serviteurs et leurs souverains. Iyyaka na'budu, toi seul nous adorons. Hein? Parce que, il est obligatoire pour nous de réserver le culte. Et il y continue dedans. Toi seul nous adorons. À toi seul, nous réservons le culte. Il y a aussi du'a dedans. Il est un des plus grands du'a et des plus importants. Guide-nous sur la voie droite. La voie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Et le Fatiha, la parole la plus authentique, c'est les ondes de science, c'est qu'il contient 7 versets. C'est pour ça qu'il a été appelé les 7 répétés. Le dernier verset sera غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Le dernier verset, c'est non pas la voix de ceux qui ont colère, ta colère, et non pas la voix des égarés. Les hommes de science voient qu'il est obligatoire de lire le Fatiha dans les prières à voix basse derrière l'imam. C'est obligatoire pour l'imam et pour celui qui est derrière. Quant aux prières à voix haute, là il y a une divergence entre eux, les hommes de science. Certains hommes de science, comme Cheikh Al-Fawzan, Rahimahullah, et Cheikh Al-Islam, Ibn Taymiyyah, Rahmatullah, elle voit qu'il est obligatoire de la lire dans les prières à voix basse et d'écouter quand l'imam lit à voix haute. Et sur ce point-là, il y a une divergence entre les hommes de science. Par exemple, son éminent Cheikh Ibn Baz, Rahmatullah, allez, va vers le fait de la lire même quand c'est à voix haute. Mais à quel moment tu la lis? Tu la lis au moment où quand l'imam il termine un verset, tu commences. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, il s'arrête à ce moment-là, tu dis. Tu ne lis pas avant lui, ni en même temps que lui. Hein? Tu lis au moment où il te donne l'occasion de la lire, tu la lis. Hein? Si tu prends la voix de Cheikh Ibn Baz et d'autres, hein? Et sinon, tu as l'autre voix, la voix du Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah Ta'ala, et la voix du Cheikh Al-Albani, la même chose, et du Cheikh Al-Islam de Taymiyyah, qu'il voit qu'il faut écouter quand l'imam il est à voix haute, et ceux-ci, ils réunissent, ils mettent en application les différents textes qui sont arrivés à ce sujet-là. Et la louange à Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est le fait d'éloger Allah, de le glorifier. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a s'est fait les louanges à lui-même, et dans ce sens-là il nous a ordonné de lui faire les louanges comme il sied à sa grandeur. Et il a la louange à tous les niveaux. Il a la louange pour ses noms et ses attributs azza wa jal qui sont sublimes au sens large du terme. Il a la louange pour ses actes, pour tout ce qu'il fait, tout ce qu'il crée. Hein? Donc il a à Allah subhanahu wa ta'ala appartient la louange. La louange c'est le fait de vénérer Allah subhanahu wa ta'ala, une vénération accompagnée d'amour, hein? Et de lui faire les éloges qu'il sied à sa grandeur. Et la louange est à Allah. Allah c'est le nom propre qui n'est dû qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un emblème et c'est un nom propre qui n'est dû qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas permis à quelqu'un de prendre ce nom, le nom d'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rabb, c'est celui qui possède, c'est celui qui gère, c'est celui qui donne la vie. Il n'est pas permis de désigner quelqu'un comme Rabb en mettant à ce nom l'article défini, l'alif ou l'lam. Quand il est avec l'article défini, ça ne désigne qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il est à l'indéfini, Rabb, on doit lui rajouter quelque chose, on dit Rabbul Bayt, le maître de la maison. Rabbul Sayyara, le maître de la voiture. Rabbul Dar, le maître de la maison, et ainsi de suite. Et quand Youssouf, dans le verset 42, il a dit à celui qui est sorti de prison, et évoque-moi si ton maître, ou dhkurni inda rabbik. Donc quand il est avec l'article défini, ça ne concerne qu'Allah Azza wa Jal. Il est le souverain des mondes, il est le créateur, il possède tout, Azza wa Jal, il gère tout dans ce monde. Rien ne peut être dans son monde sans sa volonté Azza wa Jal. Et quand elle est à l'indéfini, sans l'article, Ar-Rabb, donc il doit lui être ajouté quelque chose. La maison, le maître de maison, Rabbu Dar, le maître de la voiture, Rabbu Sayyara, et ainsi de suite. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, l'alamin, jam'u alam, wa huwa kullu mawjoudin siwa Allah. L'alamin, c'est le pluriel des mondes. Et c'est toute chose créée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça s'appelle l'alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Et Ar-Rahman ar-Rahim, ils sont dérivés du terme clémence. Ar-Rahman, Sa rahma couvre toutes ses créatures. Rahim, il concerne les croyants, comme il dit dans le verset. Wa kana bil mu'minina rahima, dans sourate Ahzab. Et il est clément pour les croyants. Verset 43. Ar-Rahman, c'est cette clémence avec laquelle il a couvert toutes ses créatures. Mes créants, animaux, et ainsi de suite. Rahim, celle-ci, il concerne les croyants. Il n'est pas permis de s'appeler Rahman comme ça. Il dit, car il dit dans le verset, قُلْ اِدْعُوا اللَّهَ أَوْ اِدْعُوا الرَّحْمَنَ dans sourate l'Isra. Demandez à Allah ou demandez à Rahman, au clément. Donc il n'est pas permis de s'appeler Rahman. À partir de là, il tout vient le secret pourquoi le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit que les meilleurs noms pour Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont Abdullah ou Abdurrahman. Les serviteurs d'Allah et serviteurs du Rahman, serviteurs du Clément. Et jamais on a eu, qu'il n'a pas été rapporté que quelqu'un s'est donné le nom Rahman. Sauf Moussa ilam al-Kaddab, le menteur qui a prétendu à la prophétie. Malik yawmiddin, il se lit par deux façons. Maliki en allongeant le M un peu. Il se lit aussi par Maliki. Il est dérivé du mot Al-Mulk, qui est la royauté. Et qui est aussi, dans l'autre sens, la possession, le fait de posséder. Il est dit dans son Ghafir, Liman il-Mulku liyaw, lillahi l-Wahid il-Qahar. Et dans son Ghafir, verset 16, à qui appartient le royaume maintenant, le jour de l'au-delà? Et Allah subhanahu wa ta'ala répond lui-même, à Allah uniquement le puissant, à Allah le puissant uniquement. Et dans l'autre verset, Al-Mulku yawma idil al-haq lir-Rahman wa kana yawman 'ala al-kafirin 'asira. Dans sourate Al-Furqan, verset 26, la royauté tout appartient aujourd'hui en vérité au clément. Et c'est un jour dur pour les mécréants. Maliki yawmiddin, le roi du jour de la rétribution, qui est le jour où les créatures vont être récompensées pour leurs œuvres. Si c'est bon, c'est bien. Si c'est mal, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Et din, c'est la récompense, c'est la rétribution. Yawma idin yuwaffihimullahu dinahumul haqq. Dans sourate An-Nur, il est dit, verset 25, ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il va leur donner leur compte. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Toi seul, nous adorons. Et auprès de toi seul nous cherchons aide. Dire que on doit adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et lui vouer l'obéissance totale. Et toute la religion revient à ces deux sens. Comme ils ont dit certains de nos plus aïeux, le Fatiha, c'est le secret du Coran. Et le secret du Coran, c'est ce verset. Toi seul nous adorons, et auprès de toi seul nous cherchons aide. Le premier, toi seul nous adorons, on désavoue l'associationnisme. Le deuxième, près de toi seul nous cherchons aide, on désavoue, on reconnaît la faiblesse devant Allah. Et on délègue les situations à Allah subhanahu wa ta'ala, où on lui reconnaît la puissance. Ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous sur la voie droite. C'est-à-dire, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider sur la voie droite, car la guider est entre les mains d'Allah. Et quelqu'un peut se poser la question, je prie et il est obligatoire que je dise ce dua dans toutes mes prières. Je lui dis à un musulman, là, on demande aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous raffermisse sur la guidée et sur son obéissance jusqu'à la fin de notre vie aussi, disent les hommes de science. Il a guidé, il est de deux sortes. Une guidée orientation, et c'est là tout un être humain peut la faire. C'est-à-dire, quand tu ordonnes à ta femme de prier, quand tu ordonnes le bien à ton fils, quand tu l'orientes vers ce qui va faire son bonheur dans ce bas monde et dans le delà, et ainsi de suite. Ça, c'est l'orientation, la guidée orientation. Et il y a, et c'est ce qu'ont fait les prophètes, alayhi salatu salam, en appelant les gens vers le monothéisme, ou les appelant vers le fait de désavouer les associateurs et l'associationnisme, et le fait de vouer le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que font les prêcheurs dignes du nom et les hommes de science. La deuxième guidée, c'est la guidée accomplissement. Et celle-ci n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la guidée qui concerne l'ouverture du cœur, et l'ouverture du cœur, il est entre les mains d'Allah. Comme il est dit dans Surat Al-Qasas, verset 56, إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءَ. Comme il est dit dans Surat Al-Qasas, tu ne guides pas qui tu veux. Tu ne guides pas ce que tu aimes. Mais Allah subhanahu wa ta'ala guide qui il veut. Et ceci a été adressé au messager alayhi salam. Donc la guidée du cœur, même notre prophète, même tous les messagers ne l'ont pas eu. C'est là, il est réservé à Allah subhanahu wa ta'ala exclusivement. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guide-nous sur la voie droite. Comme le dit Ibn Jarir, rahimahullah ta'ala, que la communauté est sur l'unanimité, que sirat al-mustaqim, c'est la voie claire dans laquelle il n'y a pas de virage. Et ça veut dire, cette voie claire dans laquelle il n'y a pas de virage, ça veut dire ici sirat, ça veut dire suivre Allah et son messager alayhi salatu salam. Sirat, c'est le fait de suivre Allah et son messager alayhi salatu salam. Sirat al-mustaqim, c'est quoi ce sirat? Allah subhanahu wa ta'ala nous le montre. Sirat al-ladina an'amta alayhim. La voie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Et qui sont ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a comblés de ses bienfaits? La meilleure des interprétations du Coran, c'est le Coran lui-même. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va nous montrer qui sont ceux qu'il a comblés de ses bienfaits. Dans Surat Nisa, verset 69. Il dit: ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. Il dit dans ce verset, dans Surat Nisa verset 69, ceux qui obéissent à Allah et son messager et aux messagers, ceux-là seront avec ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ses bienfaits, qui sont les prophètes, les véridiques, les martyrs, les vertueux, et quelle bonne compagnie que la compagnie de ceux-là. Allah subhanahu wa ta'ala les a comblés du bienfait, déjà, il les a comblés d'un grand bienfait, c'est qu'il a fait qu'ils lui obéissent, et qu'ils sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ont suivi ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'ils suivent. Et après vient les autres bienfaits, après qui découlent, qui sont le fruit de cette obéissance. Ghayril maghdoubi alayhim. Ici, et non pas, et je ne veux pas être dans la voie de ceux qui ont encouru ta colère. Ici, ceux qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, leur tête, ce sont les juifs. Allah subhanahu wa ta'ala est en colère contre eux, et ils encourent la colère d'Allah parce qu'ils ont la science et la vérité, ils ne la mettent pas en application. Voilà, darling, et non la voie des égarés. Je ne veux pas être non plus dans la voie des égarés. Ce sont les chrétiens, car ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala avec ignorance. Mais quand tu entends ça, il ne faut pas croire que ça les concerne seulement. Tout ce qu'il y a dans le Coran, disent les hommes de science, qui concerne les gens du livre, elle est pour nous aussi, c'est un avertissement pour nous. Comme il a dit Soufiane Thouri, rahimahullah ta'ala, l'homme de science de notre communauté qui est devenu mauvais, il a une ressemblance avec les juifs. Il est adorateur qui est devenu mauvais dans notre communauté, il a une ressemblance avec le chrétien. Donc il faut faire très attention que quand on connaît des choses, on les a apprises, on les met en application, il y a forte à craindre de tomber dans la ressemblance avec les juifs. La même chose, quand on œuvre sans science et sans preuve, il y a fort à craindre d'avoir la caractéristique aussi des chrétiens. Et donc, et après la lecture de Surat al-Fatiha, dans la prière, il est de la sunna de dire Amin. Et Amin, ça veut dire où Allah exauce. Et Amin ne fait pas partie des versets de l'Fatiha. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, comme il est rapporté par l'imam Ahmed et d'autres, hein, quand il lisait l'Fatiha, et il arrivait à la fin, il disait Amin, et il levait la voix avec Amin. Et il a été rapporté dans les authentiques beaucoup de vertus de le fait de dire Amin, notamment dans le hadith d'Abu Huraira, qui a dit que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا أمن الإيمان الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. دي الرسول صلى الله عليه وسلم دي كنت الإمام دي آمين دي آمين car celui dont l'amin concorde avec l'amin des anges, Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner les péchés qui sont passés. Ici bien sûr il s'agira toujours des petits péchés, hein. Et donc, et Cheikh Hafidhahullah Ta'ala a cité après ceci le verset, le tremblement de terre, Zalzala. Et le Fatiha, charge frère Allah, Zawajal, que c'est une sourate qui a été des sourates, qui est mécoise. Hein? Et il est de cet verset. Quant à Zalzala, c'est un verset médinois et dont les versets sont au nombre de 8. Ida Zulzilatil Ardu Zilzala. Ibn Abbas, radiallahu ta'ala, nous arda, il dit quand la terre bouge, hein, wa akhrajatil ardu atqalaha, et quand la terre assorte ce qu'il y a dans son ventre, c'est-à-dire les morts qu'il contient dedans. Hein? Et l'être humain, il dit pourquoi il agit ainsi? Il s'étonne, il ne reconnaît plus la terre et hein? Il blâme ce qui est arrivé à la terre, il ne le reconnaît pas. Il dit qu'est-ce qu'il a? Pourquoi? Alors qu'il était stable, et lui il avait la stabilité sur cette terre, tout d'un coup la terre, il bouge, il rejette tout ce qu'il y a dans son ventre. وقال الإنسان ما لها بوكوا يلبوجكم زا وقوله تعالى يومئذ تحدث أخبارها إيه ce jour là il va dire hein il va annoncer tout, ça veut dire il va annoncer tout ce que les gens ont fait sur la terre, tout ce que tout un chacun de nous a fait sur terre, la terre va l'annoncer. Dans le hadith rapporté par Tirmidhi et par Nasa'i, hein, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il a lu le verset Yawma idin tuhadditu akhbara, ce jour-là, il va annoncer ses nouvelles. Est-ce que vous savez ce que c'est que les nouvelles de la terre? Ils ont dit sauf Allah et son messager le sage. Il a dit ces nouvelles, c'est qu'il va attester. Hein? Sur tout serviteur et toute femme, tout homme et toute femme, de ce qu'il a fait sur son dos. Il va dire, il a fait ceci tel jour, il a fait cela et cela. Dis ça, c'est les nouvelles de la terre. Wa qawluhu ta'ala bi anna rabbaka uhalaha. Et ton souverain, lui a ordonné de dire, comme il est rapporté de Ibn Abbas, de Mujahid, que ton souverain lui a ordonné de dire ce qui s'est passé sur son dos. Il a ordonné à la terre. Mujahid, il dit, Allah lui a ordonné. Wa qawluhu ta'ala yawma idin yasduru an-nasu ashtatan. Ah, et l'autre verset, ce jour-là, les gens vont revenir de leur compte, dispersés, différents. Il y a les malheureux, il y a les heureux et les réjouis, ceux qui vont aller au paradis et ceux qu'on va jeter au feu de l'enfer. Pour qu'ils soient récompensés de leurs actes qu'ils ont fait dans son bas monde, que ce soit en bien ou en mal. قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. Et dans notre verset il dit celui qui est un petit atome, rien, qui pèse rien du tout, plus petit que la fourmi, de bien il le verra dans son livre, il sera content, il en sera réjoui. Et celui qui fait un petit tac de mécréant, de mal ou de désobéissance, etc., il le verra aussi. La hasana et le bien seront de 10 fois la hasanat. Quant au mal, il sera transcrit 1 fois. Et quand il y aura le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala doublera les hasanat des croyants. Tu vois que dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous incite au peu d'œuvres du bien pour qu'on l'accomplisse. Il nous avertit aussi contre eux le peu d'œuvres du mal pour qu'on s'éloigne, parce qu'il va augmenter après. Et comme disent les pieux ailleurs d'Allah Alim, quand tu vois quelqu'un et dont le bien chasse, qu'il y a des sœurs qui traînent ce bien, qui appellent ce bien. Et quand tu le vois dans le mal, sache qu'il a des sœurs de ce mal qui le traînent vers ce mal. Et notre prophète alayhi salam nous a enseigné, préservez-vous du feu de l'enfer, ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date. Et si vous ne trouvez pas, avec une bonne parole, rapportée par l'imam Muslim ou l'imam al-Bukhari. Et j'arrête là, inshallah, pour cette première séance. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم الله خيرا.